Pour cette dernière séance de la première saison du séminaire vidéo des premiers temps. Première saison. Nous avons le plaisir de ce soir de terminer donc ce premier cycle avec une séance consacrée donc à la série Le lion, sa cage et ses ailes. Série de 8 films réalisés à l'initiative d'Armand Gatti, Hélène Châtelain et Stéphane Gatti entre 1975 et 1977. Nous avons le plaisir donc d'accueillir Stéphane Gatti, Jean-Paul Fargier. Hélène Châtelain, malheureusement, ne peut pas être parmi nous. On pense à elle ce soir. Et puis Nicolas Hatzfeld. Voilà. Il arrive. Et Nicolas Hatzfeld arrive. Bon, très bien, parce qu'on était sans nouvelles de lui. Et puis voilà, je te passe effectivement la parole. Juste peut-être, avant de passer la parole à Sébastien, on va faire circuler tout de suite une feuille de présence. Vous êtes nombreux et nombreux ce soir, on en est absolument ravis. Plus que jamais, indiquer votre nom et votre mail est important pour deux raisons. D'abord parce que c'est la dernière séance de l'année et qu'on espère vous retrouver l'an prochain. Mais aussi, et peut-être encore plus, parce qu'on va vous demander de mettre immédiatement à côté de votre nom l'indication si vous restez pour le verre amical ou non. Parce que moi, je dois passer après un coup de fil pour confirmer le nombre précis pour le pot. Enfin, c'est voilà, très matériel et bassement matériel. Et c'est, je le signale quand même, du côté des Halles, à 10 minutes à pied. Malheureusement, on n'a pas pu, ce ne sera pas sur place, on ne peut pas. Et voilà. Donc, je vous fais circuler tout de suite la feuille de présence et je passe immédiatement donc, la parole à Sébastien.